Monsieur, les flammes dont vous avez été environné ont achevé vos épreuves. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. Je vais maintenant vous faire prêter serment à la franc-maçonnerie. Frère expert, amenez le profane à l'hôtel. Mes frères, debout. À l'ordre, avec lèvres aux mains. Que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement, tout le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples pour la part. Le nombre de responsables politiques qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas francs-maçons alors qu'ils le sont est absolument énorme. Parler d'une jeune fille mise nue sur une croix, arrosée de sang animal. Quand vous parlez de fœtus, qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous me parlez de quoi ? Je vous parle des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années. Et qui sont donc, qui ont été la proie ? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutable. Pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liés à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le double couvert, je pèse mes mots. La sécurité sociale, le permis de conduire, le passeport, je passe, je suis le numéro 1, 25 06 89 368 200. Tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut d'état, et d'autre part, de personnalités qui tiennent des postes clés dans notre civilisation. Que ce soit dans le monde de la politique, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, je dirais même, hélas, trois fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défrontés et des bandits de vie se retrouvent dans ces scènes effroyables. De messes noires, de meurtres rituels, c'est assez effroyable. Les francs-maçons sont partout, autour du président de la République, vous le disiez, dans les grandes entreprises, les administrations, la justice, la police, et contrairement à ce qu'ils aimeraient bien nous faire croire, ils n'ont rien perdu de leur influence, ils pèsent jusque dans les hautes sphères. À la place de Boris, un type qui est Jacques Lang, qui lui aussi, est accompagné de rumeurs de délinquance et de pédocriminels avec l'affaire du Corral, etc. Monsieur Jacques Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Corral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. C'est tout ça qui fait peur et qui agace l'oligarchie, c'est qu'à ce coup vous cessez d'obéir totalement et de vous soumettre totalement. Et si on est là tous les trois ce soir, et vous tous, c'est justement parce que là on fait quelque chose qui emmerde beaucoup l'oligarchie, c'est qu'on discute entre nous, alors qu'on a été programmé pour se taper dessus. C'est évident, hein ? Faut pas oublier ça.